De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ben, content de te retrouver pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages. La semaine dernière, tu nous as parlé des émotions interdites. Ouais. Aujourd'hui, les émotions obligatoires. Et oui, dans notre éducation, dans notre culture, ça peut nous arriver inconsciemment de nous sentir obligés de ressentir certaines émotions. Alors, quel genre d'émotions, là ? Eh bien, la joie, la positive attitude, par exemple, ouais, qui peut paraître très bonne au départ pour cultiver la joie, mais sauf que si je réfrène les autres en faisant ça, je les étouffe et du coup, je m'en déconnecte. Une autre émotion qui pouvait faire partie des émotions interdites, mais qui peut être aussi une émotion obligatoire, c'est la tristesse. Eh oui, parce qu'en fait, ça peut arriver que dans notre construction, on se soit aperçu dès l'enfance que si je pleure, j'ai de l'attention. Et du coup, de rentrer dans ce fonctionnement-là, d'entretenir la tristesse, on voit que c'est comme ça qu'on peut créer du lien. Et du coup, ça devient une émotion obligatoire en quelque sorte. Et pareil, pour une autre émotion qui faisait partie des émotions interdites, et là, qui fait partie des émotions obligatoires, c'est la colère. Oui, en fait, elles peuvent toutes être, selon notre culture, interdites ou obligatoires. La colère obligatoire, ça va s'exprimer souvent dans des éducations sur le côté viril. C'est montrer sa force d'exprimer de la colère, et souvent, ça va être le seul champ où les garçons vont pouvoir exprimer quelque chose. Parce que dire qu'ils sont tristes ou dire qu'ils ont peur, c'est de montrer de la faiblesse. Alors, le seul champ où c'est OK, c'est la colère. Et du coup, ça va se confondre avec l'agressivité, la violence, la brutalité dans ces cas-là. Comment on va la déceler ? Déceler que vous avez une émotion ou plusieurs qui sont obligatoires, c'est en vérifiant si vous êtes ou pas éponge à cette émotion. Les émotions interdites, on y est autruche, on les nie, on les met à distance. Les émotions obligatoires, on est éponge. C'est-à-dire que si je la sens trop fort en moi quand elle est là et que c'est trop souvent, ça doit nous faire tilt. Si on a l'impression d'être tout le temps, tous les jours en colère, il y a quelque chose à questionner. Si je l'exprime exagérément, je n'ai pas de demi-mesure pour exprimer ma colère, là, ça doit aussi nous faire tilt. Si j'y suis hypersensible chez l'autre ou j'adore, oh là là, un tel, il est toujours en forme, je l'adore. Alors oui, c'est sûr que ça véhicule quelque chose de positif, mais ça dit quelque chose aussi de nous. Ou si, par exemple, voir quelqu'un pleurer, ça nous fait très vite pleurer, plus que les autres émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie, au contraire, mais c'est que celle-ci, elle nous touche quelque chose en nous, quoi. Et elle fait résonance. Et aussi, si je le perçois trop souvent chez l'autre, et même de façon erronée, c'est-à-dire que nos lunettes, nos façons de voir, dire « Ah, t'as pas remarqué comment il était triste ?»« Ah ben non, il est pas triste du tout, en fait, un tel, on devrait lui demander, là, parce que j'ai pas l'impression qu'il est triste. » Donc, en fait, ça va biaiser notre perception de l'émotion de l'autre, parce qu'on va voir chez l'autre, on va projeter, par exemple, notre propre tristesse ou notre propre peur, etc. Donc ça, c'est des questions à se poser. Est-ce que cette émotion ou quelle émotion chez moi sont plutôt obligatoires ? Et là aussi, ça peut avoir des conséquences. Ben oui, parce que si une émotion est obligatoire chez nous, alors j'ai fait beaucoup la valorisation des émotions, mais là, elle va prendre trop de place et donc elle va être tout le temps dans le rouge. On va pas réussir facilement à rentrer dans la zone de tolérance pour la traiter et on va la laisser nous diriger dans les prises de décision. Donc là, c'est pas OK de laisser la colère, par exemple, nous diriger. C'est pas elle d'être le cocher de notre carrosse, quoi. Donc la colère, la première étape, c'est de la faire redescendre pour aller chercher vraiment les besoins qui sont derrière. Si je reste dans l'émotion comme ça, très forte et constante, je me coupe de moi-même, je ne suis pas redescendue pour aller chercher mes besoins et je ne suis pas dans ma partie rationnelle parce que l'émotion, le but, ce n'est pas d'y être tout le temps, c'est de finir par arriver dans la zone rationnelle pour en faire quelque chose de constructif, accéder aux besoins, prendre des décisions réfléchies. Donc la joie, par exemple, si je suis tout le temps euphorique, je me coupe aussi des autres émotions et je risque d'avoir un jour un effondrement, une dépression du jour au lendemain. C'est parce que je n'ai pas écouté les signes dans mon corps et j'étais coupée des autres. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça peut entraîner des problèmes de santé. Par exemple, si je suis tout le temps dans la peur, dans le stress, je vais sécréter régulièrement du cortisol. Et ça, ça va faire baisser le système immunitaire, ça va créer un terrain inflammatoire. Et la joie obligatoire, ça peut créer un terrain pour les addictions, parce que c'est sur le circuit de la récompense que ça se joue. L'air de rien, c'est quand même une vigilance à avoir. Voilà, tout est une question d'équilibre aussi. Exactement. Pour les solutions pour les émotions obligatoires, elles sont similaires à celles qu'on a dites pour les émotions interdites, mais j'aimerais vous faire une chronique spécifique la prochaine fois sur le rapport au corps et aux émotions, le langage corporel des émotions. Merci beaucoup Noémie. Je vous invite bien sûr, auditeurs, à aller écouter les précédentes chroniques. Merci. Voilà, à bientôt. Au revoir. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.